Bonjour à tous et bienvenue dans Movies Nerd, le podcast des nerds cinéphiles, l'émission mensuelle où nous nous retrouvons entre passionnés de cinéma pour vous donner nos avis sur différents films. Vous êtes à l'écoute de l'épisode 16 enregistré le 2 juin 2015, je suis Axel, votre hôte durant ce podcast. Avec moi j'ai mes habituels co-hôtes, en commençant par Eddie. Salut, ça va Eddie Oui, Eddie va très bien, bonsoir. Et ensuite on retrouve Morgane que vous entendez, dont vous entendez le rire, ça va? Ça va? Ouais. Apparemment, ça va pas trop mal. Ça va. Ok. Donc. Faut pas commencer comme ça. D'accord. Quentin n'est pas là pour cet épisode. Il a eu un contretemps. Et donc, il sera normalement là le podcast suivant. Vous avez passé un bon mois tous. Vous avez vu pas mal de films. Moi, j'en ai vu quelques-uns, ouais. Morgan. Et après, voilà quoi. Moi j'en ai vu pas mal et c'est un très bon mois. Le mois de mai, c'est vrai que ce mois-ci il y a eu des très belles choses. On en parlera plus tard, mais on a eu des films assez magnifiques quoi. Moi c'était assez mitigé, donc voilà. Ok. Il y aura les deux. Donc maintenant que l'émission est lancée, on va pouvoir annoncer le sommaire de l'émission. On commencera avec un vidéo club Movie Nerd où on va parler du géant de fer. Ensuite on aura nos coups de cœur, coups de gueule et découvertes. Ensuite ce sera le film du mois sur Tomorrowland. Puis on aura la recommandation pas très recommandable. Donc le mois dernier, Morgan nous avait recommandé Spawn. On va vous en parler. Je vous proposerai un film pour le mois prochain, pour que l'équipe regarde ça pour le mois prochain. Voilà. Donc, si tout le monde est prêt, on est parti pour le Vidéoclub Movies Nerd sur le géant de fer. They call me Cuban Pete, I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas, I go chick chicky boom, chick chicky boom. Yes, sir, I'm Cuban Pete. On est donc à la première rubrique de ce podcast, le Vidéoclub Movies Nerd. On va vous parler du géant de fer ou The Iron Giant en anglais. Donc c'est le premier film de Brad Bird qui est à la réalisation et qui est au scénario aussi. Donc c'est d'après un livre de Ted Hughes, L'Homme de Fer. Il est sorti aux États-Unis le 6 août 1999 et en France le 8 décembre 1999. Par contre, au niveau du casting, comme c'est un dessin animé, on va appeler ça comme ça, il y a la version originale et la version française. Je sais que moi, je l'ai vu en version originale et que Eddie l'a vu en version française. Ouais. Donc, on va rapidement passer les deux en revue. Donc, dans la version originale, il y a Jennifer Aniston qui fait la voix de Annie Hughes, Harry Connick Jr. qui fait la voix de Dean McCoppin, Ellie Marienthal qui joue Hogarth. Hughes et Vin Diesel qui joue le géant de fer. En version française, c'est Bruno Devolder qui est le géant de fer, Dorothée Gemma qui est Annie Hughes, Paul Nivet qui est Howard Hughes et Philippe Vincent qui est Dean McCoppin. Voilà. Donc le synopsis très rapidement, ça se passe dans le nord-est des États-Unis à la fin des années 50, où un grand robot de 30 mètres à peu près, extraterrestre, se lie d'amitié avec un petit garçon de 8 ans et un jeune artiste, beatnik. Voilà. Donc vous pouvez remercier Wikipédia pour le synopsis. Et je vais laisser Eddie en parler en premier, si tu veux bien. Oui, donc du coup, juste avant Tomorrowland, en fait, c'était le seul Brad Bird que j'avais pas vu. Donc c'est bien, c'était très bien de pouvoir le découvrir parce que le film est vraiment très bon. C'est somme toute assez classique, mais je trouve que ça fonctionne très bien au niveau de l'écriture, en fait, surtout. Il y a vraiment... les thématiques abordées sont très intéressantes et on va vraiment au fond des choses, quoi. C'est vrai que ça dure que une heure et demie, mais... On voit plein de choses pendant ces une heure et demie. Oui, c'est une heure et demie, hein. Oui, c'est ça. On voit plein de choses pendant ces une heure et demie. Le rythme est bien géré. L'exposition, elle est juste comme il faut. Et je trouve que oui, vraiment, en ce qui concerne les thématiques sur la différence, sur l'acceptation de l'autre, c'est des choses qui sont quand même assez banales, mais quand elles sont bien amenées, ça fonctionne très bien. Mmh. Et bah, c'est le cas ici, quoi. Donc, ouais, le géant de fer, j'ai vraiment bien aimé. Je le recommande, même aux plus petits, parce que je pense que du coup, moi, je m'attendais à avoir quelque chose de très adulte, en fait. Et je me rends compte que ça l'est, et au final, ça s'adresse quand même... Ça s'adresse aux deux. Ouais, ça s'adresse vraiment aux deux. Et puis voilà, quoi. Après... pour les petits bonus, bah c'est l'animation est très sympathique. Ouais. Elle casse pas trois pattes à un canard. On a vu beaucoup mieux, mais on a vu également bien pire. Moi, j'ai trouvé ça très joli. Mmh. Et ensuite, émotionnellement, ça fonctionne très bien également, ouais. Je trouve. Et puis, en termes d'humour, c'est pareil. Il y a vraiment des bonnes choses. Donc, voilà. Moi, j'ai vraiment passé un bon moment et voilà, j'attendais pas grand chose de ce film, et puis au final, bah, je me suis vraiment laissé prendre dedans, et bah, j'avais passé une heure et demie, super cool. Ok, d'accord. Voilà. Ce que je peux d'abord commencer par dire, c'est que c'est un film vraiment magnifique, comme tu l'as dit. Mmh. Il est pas très connu, donc c'est un peu dommage, il mériterait plus d'attention, je trouve. Je pense que s'il avait eu un label Disney ou un label DreamWorks, il aurait mieux marché. Mais voilà, c'est un Warner, hein, quand même, c'est pas non plus. Ouais, mais ça a quand même pas super bien marché. C'était un assez gros bide au box office. Justement, il a pas. Forcément que Disney et DreamWorks bénéficient d'une com différente aussi, parce que c'est vraiment. Ils sont spécialisés dans l'animation en général. Ouais. Et là, bah, Warner, non. Je pense que la différence est là, en fait. Ouais. 215 000 entrées, je viens de voir sur. 215 000 entrées, c'est vraiment peu, hein. Ouais. En France. Le film capture avec une précision assez étonnante l'époque qui me fascine, en fait, d'un point de vue historique. C'est le début de la guerre froide. Il y a une paranoïa nucléaire qui est un peu en cours, paranoïa extraterrestre avec Roswell, tout ça. D'ailleurs, la ville dans laquelle se passe le film s'appelle Rockwell, donc c'est une référence. Donc il y a une vraie attention aux petits détails qui rend le tout encore plus crédible. Il y a le petit film sur qui passe à l'école ou sur le nucléaire qui passait dans les années 50 où il disait aux enfants de se mettre sous leur bureau pour éviter qu'une bombe nucléaire leur tombe dessus. Et que par magie, ça pourrait les sauver. Enfin voilà, c'est tout plein de petits détails comme ça qui sont vraiment super marrants et super bien trouvés. Ça capture aussi super bien l'essence de ce que c'est d'être un petit garçon aventureux, rêveur, désirant plus que sa vie normale, qui est assez ennuyeuse. Je me suis beaucoup retrouvé dans le personnage, c'est ce qui l'a rendu encore plus attachant, je trouve. Le scénario, en général, est très bien écrit. Fourmillant de détails, comme je l'ai dit, de dialogues et de personnages intéressants. C'est un comique de situation aussi. Oui, aussi. Je trouve. Oui, il y a pas mal de scènes qui sont comme ça, qui sont comiques de situation. T'as le mec du gouvernement qui est à la porte, et du coup, t'as le robot qui est un peu en pièces détachées qui se balade dans la maison. Voilà. Moi, ça m'a bien fait rire, tout ça. C'est un genre, comme E.T., quoi, qui se cache, qui se balade autour de la maison. J'en étais où? Drôle et plein d'action, voilà. Il laisse aussi la place aux émotions quand il le faut, et le tout fonctionne merveilleusement bien ensemble. L'animation, moi, je la trouve très très belle. Le mélange de 3D, de 2D et 3D qui fonctionne pas très bien d'habitude. Je me rappelle par exemple, je prends un exemple de Disney, Aladdin, les séquences en 3D, c'était pas trop ça. Non, c'est pas terrible. Donc ici, je trouve que ça rend super bien et que le film n'a pas pris une ride et reste d'actualité. Aujourd'hui, si on tentait ça, je pense qu'il le ferait en 3D complètement. Et je pense que ça perdrait tout son charme et son identité. Mais t'as eu un film d'animation plus récent et en 3D, en numérique, enfin je sais pas comment on dit, animation 3D, qui s'appelle Robot, justement, il me semble. Oui, je l'ai pas vu, mais le visuel rappelle beaucoup celui du géant de fer. Ouais. Le doublage, j'ai pas grand chose à dire. Je l'ai vu en VO, comme je l'ai dit. Vin Diesel a quand même plus de choses à dire en tant que géant de fer qu'en tant que Groot. Donc c'est déjà pas mal. Ouais, c'est sûr. Jennifer Aniston qui double la mère du petit. Elle est très bien. Je l'ai pas vue, mais elle est très bien. pour tout te dire, j'ai même pas remarqué que c'était elle. J'ai vu au générique que c'était elle et je me suis dit quoi, mais c'est... Enfin, j'ai pas remarqué sa voix. Donc. Et ce qui est bien, c'est que dans la VF, c'est Dorothée Gemma et c'est la doubleuse de Jennifer Aniston. Voilà. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, Morgan, tu as parfaitement raison. Bah voilà. Au moins, tu apportes tes lumières. Mais quand on parle de Jennifer Aniston, j'interviens, même si j'ai pas vu le film, je suis obligé, tu vois. Sinon, il y a Elie Marienthal qui double petit Howard Hughes et qui est pas énervant, ce qui est assez. Enfin, ce qui n'est pas souvent le cas pour les petits gamins de 8 ans dans les films d'animation. Le reste du casting est tout aussi bon. La musique est splendide et s'adapte parfaitement à chaque scène. J'ai même pas regardé, c'est qui a fait la musique? Alors, je vais te dire ça tout de suite, c'est Michael Kamen, donc je connais pas non plus. Donc, il a fait pas mal de films d'action, L'Arme Fatale, etc. Les 101 Dalmatiens, le film Live, enfin voilà, des références, quoi. X-Men de Bryan Singer, donc, voilà. Ah oui, d'accord, ok. Donc, pour finir rapidement, ce film est véritablement sublime, je conseille vraiment... je suis vraiment admiratif de Brad Bird parce qu'il s'agit de son premier film. Il arrive quand même à taper assez juste et vraiment, il fait ça avec brio, faisant un film qui tient la route encore après 16 ans. C'est la marque d'un grand cinéaste pour moi. Il a une filmo assez éclectique, hein, de toute façon, voilà. Brad Bird. Ouais, entre Les Indestructibles, Ratatouille, Mission Impossible 4 et celui-là. Donc voilà, si t'as quelque chose à rajouter, Eddie. Par rapport au film. Non, moi c'est bon, tout va bien. Ok, d'accord. Moi je le conseille vraiment à ceux qui l'ont pas encore découvert, c'est une très belle découverte. Moi j'ai bien envie de le voir, je devais le voir, désolé, j'ai pas fait mon devoir, mais j'ai quand même bien envie de le voir celui-là. Eh ben écoute, tu le regarderas, puis tu feras ta critique sur ton site, comme ça les gens pourront aller lire ton avis. Oh, toute cette pression. Plutôt une micro-critique sur votre caster. Toute cette pression. Oui, ou une micro-critique, ouais. Donc voilà, on a fini sur le vidéoclub Mousineur, dont on conseille énormément Le Géant de Fer, et on va passer tout de suite à nos coups de cœur, coups de gueule et découvertes. Nous sommes à la rubrique nos coups de cœur, coups de gueule et découvertes. Ce mois-ci, ben, je suis désolé, j'ai pas trouvé de film parce que j'étais assez occupé ce mois-ci, pour ne rien vous cacher. Heureusement que t'as des collègues, hein, quand voilà. Même. Donc, heureusement que j'ai des collègues pour parler de films. Du coup, ils vont vous présenter deux films chacun, donc ça fera quatre films en tout. On verra si je pourrai intervenir sur quelques-uns. Donc on va commencer par Morgan, puisqu'il n'a pas beaucoup parlé pour la dernière rubrique, avec sa découverte, ou sa redécouverte plutôt, d'une saga que je porte très cher dans mon cœur. Qui n'est pas très connue, hein, je dois dire, voilà. Hein, c'est pas... On a entendu parler donc, vite fait, mais pas... Et je la porte très cher dans mon cœur aussi, alors fais gaffe à ce que tu vas dire. donc que j'ai bien ses coups de cœur. Donc voilà, je te laisse parler du Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Oui, parce que comme je fais très bien mon travail, je devais voir la suite et je n'ai pas eu le temps. Donc, du coup, je vais parler du premier que j'ai redécouvert en version longue. Alors, il faut savoir que j'avais vu le premier il y a un petit moment, il y a 2-3 ans. Et qu'est-ce que tu en avais pensé? Alors, j'en avais pensé, mon avis à l'époque, voilà. Voilà. Alors, en fait, ce qui m'avait fait défaut, et là j'avoue, il ne faut pas faire ça, hein, si vous nous écoutez, ne jamais regarder un film comme Le Seigneur des Anneaux en streaming, en DVD rip. Ah ben bien sûr, toute la magie du film. Ah, c'est un affront total. Oui, non mais c'était voilà. Il y en a qui ont fini au bûcher pour moins que ça, Morgane. La Jeanne d'Arc, c'est pour ça qu'elle a fait du streaming, hein. C'est pas qu'elle entendait des voix. Hein. C'est ça. Et donc du coup j'ai revu, donc j'ai redécouvert le premier volet en version longue et c'est ça qui me faisait peur étant donné que la version cinéma en streaming m'avait paru interminable. Et c'est sûr que de la bruit de pixels, c'est pas génial non plus. Oui, puis l'abus de musique, etc. Enfin, rien ne m'avait touché parce qu'à la base, c'est pas mon genre d'univers. Et en fait, entre deux, il y a eu les Hobbits qui sont sortis, que j'ai vu quand même, où j'ai énormément souffert parce que je n'aime vraiment pas les Hobbits. Parce que, enfin voilà, j'expliquerai pourquoi après. Et j'ai eu envie de revoir Le Seigneur des Anneaux parce que c'est vrai que c'est une saga qui globalement a touché les gens. Ça représente tellement dans l'esprit des fans. Enfin, mm-hmm. c'est... Je sais pas si on peut dire que le Seigneur des Anneaux, c'est... il y a une base de fans aussi large que celle de Star Wars. Peut-être pas, mais c'est quand même assez... Je pense que c'est la deuxième plus grosse base de fans, quand même. Oui. Dans le milieu un peu geek. Ouais, c'est possible. Parce qu'il y a aussi tous ceux qui sont fans à la base du bouquin. Donc ça rajoute en plus... Ouais. Donc voilà. Que je n'ai pas lu, je sais pas si on a un de vous deux qui l'a lu. Oui, je les ai lus au moins 5 fois chacun et je suis très très fan. 5 fois. Ouais. Putain. Voilà. Mais moi j'ai essayé, en fait j'avais acheté la communauté de l'anneau en bouquin, en version intégrale. Hein. Ouais. Et je me suis arrêté au bout de 100 pages parce que. Oui. Ouais, autant dans les films ça me gêne pas, mais. J'adore les films, hein, c'est vraiment. Moi j'adore revoir Les Seigneurs des Anneaux, je me fais ma nuit Seigneur des Anneaux pratiquement une fois par an, où je me repasse les trois premiers pendant 12 heures d'affilée. Mais par contre, en bouquin, j'arrive pas quoi. Mais il y a beaucoup de personnes qui, comme moi, aiment beaucoup les films. Les films les emportent vraiment. Par contre, c'est vrai que les. Mais je pense que c'est plus dur de lire les bouquins après avoir vu les films. Bah, Tolkien, c'est que c'est. C'est particulier, pareil, en termes d'écriture. C'est très bien écrit en plus. Ouais, c'est magnifiquement écrit, mais le truc, c'est que ce qui rebute beaucoup de gens, c'est qu'il y a beaucoup de détails. Ouais. Il y a beaucoup de descriptions. Et après, ça dépend aussi de ta lecture. Moi, je sais que je suis quelqu'un, quand je lis, par exemple, je sais que... Bah, l'autre jour, je parlais de... Je vous en ai pas encore parlé, mais je vais vous en parler dans un prochain podcast. J'ai lu les Jurassic Park. Et c'est vrai que c'est un style d'écriture que j'aime bien parce qu'il décrit ce qu'il faut, mais il laisse suffisamment de détails à l'imagination aussi. Mmh. Alors que Tolkien, bah, du coup, tu visualises très bien, mais c'est très long, en fait. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Mmh. Moi, ça me gêne, en fait. Je préfère quand avoir pas un minimum de détails, mais avoir juste ce qu'il faut et qu'après, ça suive, quoi. Ouais, mais je comprends parfaitement. C'est moi, je les ai découverts. Enfin, j'avais déjà dit l'histoire dans le podcast hors série sur le Hobbit. Donc, je les avais découverts à peu près vers 13-14 ans, les bouquins, et après, j'avais vu les films. C'est pour ça que je pense que je suis entré plus dans l'univers. Et il paraît que ce sont de bonnes adaptations, très très bonnes adaptations, surtout les versions longues, puisqu'elles rajoutent beaucoup de choses. Qui n'était pas à mon grand dame quand j'ai vu surtout le troisième, après avoir lu le bouquin. Il y avait tellement de détails qui manquaient qui étaient très importants à l'histoire. Donc c'est pour ça que je conseille vraiment, si tu veux suivre l'histoire, Morgane, on va te laisser parler après, hein, parce que c'est quand même ton film. Oui, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est bien, c'est intéressant. Donc de voir les versions longues. Pour moi, la version longue du premier n'a pas tellement d'intérêt. Elle rajoute beaucoup de choses, mais qui sont pas nécessaires au récit. Voilà, c'est ça. C'est vraiment pour les fans déjà qui sont déjà conquis par l'univers. Pour moi, le troisième nécessite. Et du coup, si, parce que finalement, elle sert vachement à l'exposition de l'univers quand même dans le premier film au final. Mais pour quelqu'un qui peut trouver ces films un peu longs. Oui, mais surtout le premier. Voilà. Quand même. Le premier pour moi, en plus, c'est mon préféré parce qu'il prend son temps, justement. Oui. Il y en a que ça rebute et il y en a qui adorent. Moi, j'adore, je me laisse vraiment bercer, en fait. Donc, voilà. Vas-y, Morgan, on te laisse continuer. Eh bien, justement, moi, si j'ai voulu tenter la version longue, je me suis dit, bon, bah, foutu pour foutu. Parce que, clairement, honnêtement, je m'attendais pas à aimer ça. J'avais envie de le revoir en me disant, allez, en Blu-ray, au moins ce sera fait. Si je n'aime pas, au moins je l'aurais fait. C'était pour donner un avis définitif, quoi. Voilà, c'est ça. Parce que je partais de loin. Hein. Et effectivement, la version longue, c'est 3h15, sans le générique. Oh, donc, c'est ça. Ça fait un peu peur, hein, sachant que la version cinéma m'avait quand même fait ronfler. Et je sais pas ce qui s'est passé, j'ai été transporté, mais vraiment, je n'exagère pas, comme jamais un film m'avait... On parlait d'exposition, tu disais, Eddie, que c'était un film, mais justement, c'est là tout l'intérêt de ce premier volet, c'est que chaque détail qui peut paraître... Effectivement, sur la longueur, c'est long. Ça, de toute façon, c'est un schéma propre à Peter Jackson, hein, parce que... il a fait deux trilogies au final avec sur l'univers de Tolkien, et à chaque fois le premier film c'est de l'exposition, le deuxième film c'est une transition et le troisième c'est une conclusion. Et c'est vraiment c'est un schéma classique, mais du coup on le perçoit vraiment bien dans les films, je trouve. Bah, c'est surtout que il y a pas il y a pas un moment où je me suis pas ennuyé une microseconde. Même on parlait de la fameuse coupe au milieu après Foncombe, et j'aurais pu m'arrêter là en faisant une pause. Non, j'avais envie de continuer, j'ai été embarqué dans cette histoire, alors que le Hobbit, et je pense que c'est ça en fait qui a fait que j'ai adoré, c'est que le Hobbit, que je n'ai pas aimé, que je trouvais trop enfantin, trop long, parce que là on sent bien que Peter Jackson a étiré au possible un bouquin qui faisait 300 pages. Il y a moins de texture dans le Hobbit de toute façon. Et c'est surtout que Seigneur des Anneaux, j'ai l'impression que quand je compare le premier Hobbit et le Seigneur des Anneaux, quand je regarde le Seigneur des Anneaux, j'ai l'impression que Peter Jackson, il a mis ses tripes pour la table, parce qu'il avait encore quelque chose à prouver. Alors que ils lui ont donné tout le contrôle sur le Hobbit. Si on veut vraiment aller dans la comparaison, le Hobbit, c'est pas le même budget non plus. Voilà. Enfin, il a un peu eu carte blanche. Donc moi de toute façon, j'aime beaucoup Peter Jackson, mais j'aime beaucoup moins quand il fait du King Kong ou du Seigneur des Anneaux, ou du Hobbit, parce qu'il a le droit de faire un peu ce qu'il veut. Et le défaut de Peter Jackson, à mon sens, c'est que c'est quelqu'un qui ne sait pas se mesurer en fait, et qui a tendance à toujours rajouter. Et voilà, par exemple, je sais pas, la version longue de King Kong, moi je la trouve inutile. Déjà que le premier va beaucoup dans la surenchère, je trouve que la version longue en plus, c'est voilà. Et le Hobbit, c'est tout à fait ça, quoi. Enfin, j'aime bien le Hobbit, hein, mais je lui reconnais vraiment, enfin, je sais pas, des passages comme les géants de pierre et tout, c'est vrai que ça sert pas à grand chose, quoi. C'est des trucs comme ça, c'est plein de petits détails. Ce qu'il faut savoir sur le Hobbit. Oui, Morgan. Ce qu'il faut savoir sur le Hobbit, c'est qu'à la base, c'est pas Peter Jackson qui l'avait réalisé, c'est Guillermo del Toro. Oui. Et ça aurait été certainement autre chose, et je pense qu'on aurait peut-être. Il aurait voulu faire deux films déjà, donc déjà ça aurait été bien. Parce que pour moi, les deux premiers films sont très très bien. Le deux, j'adore vraiment. J'aime beaucoup le deuxième aussi. Ouais. Et pour moi, le troisième a vraiment ses problèmes qui veut conclure sa saga et qu'il a déjà trop étiré et qu'il faut qu'il dure encore 3 heures et voilà. Mais on va peut-être reprendre sur le Seigneur des Anneaux parce que si vous voulez écouter un peu plus sur le Hobbit, allez écouter le hors-série sur la saga. Sur le site, mais Morgan, vas-y, je te laisse continuer. Déjà, ce que t'as pensé vraiment du film, ce qui t'a plu dedans. Ce qui m'a plu, c'est les personnages, quoi. Il n'y a pas un personnage qui ne m'a pas intéressé. Je les trouve tous consistants. Ils sont tous identifiables. Ils ont tous leur caractère. Ils sont bien amenés. Chaque terre qu'ils vont visiter, on la reconnaît et tout. Et surtout, mais visuellement, c'est d'une beauté. Il y a des plans, mais j'en revenais pas. Et visuellement, le film, il a 2001, maintenant qu'il est sorti. 2001, il me semble, non ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il n'a pas vieilli, mais t'as un poil. Visuellement, il a gardé sa force. Ah, en Blu-ray, ça a de la gueule. Il n'y a pas un plan de vie. Ah, mais chaque plan est travaillé, chaque Non, parce plan que c'est ça, pensé, on en revient, c'est que. C'est épique, et à la base, c'est pas mon père. On en revient à ce que je disais, c'est que il avait un budget beaucoup plus limité, et du coup, il était vraiment obligé de penser à chaque fois comment faire telle scène, et s'il fallait qu'elle soit là, si elle avait un intérêt, et voilà, on faisait pas une scène. Quand il la faisait, il fallait que ça soit bien tout de suite. On pouvait faire plusieurs prises, mais il fallait que enfin, il faisait pas le décor pour rien. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'était bon, on va pas la faire parce qu'on peut la faire. On va la faire parce que il faut la faire. On a décidé qu'il fallait la faire et c'est ça change tout, hein, de toute façon dans la réalisation d'un film, ça. Voilà. Et aussi les musiques. Ouais. Parlons des musiques. Ah bah oui. Sont vraiment très belles et non, c'est un univers. Et j'ai vraiment hâte de voir les deux tours. J'ai pas pu le faire. Mais dès que je peux, je vais m'y mettre. J'aimerais tellement être à ta place, découvrir des films pour la première fois. T'imagines pas la chance que t'as. C'est surtout que je ne me suis jamais fait spoiler Le Seigneur des Anneaux. Je ne connais rien de l'intrigue. Ah ouais, ça, c'est bien. Ça, c'est donc, je sais pas comment se termine le retour du roi. Je sais pas du tout. Moi, le deuxième, c'est voilà. Mon préféré. Non, c'est... Tu me diras ce que t'en penses, mais. Okay. Non, mais franchement, j'avais peur parce qu'en plus, on m'avait prévenu comme quoi c'était un film, une longue introduction, tout ça. Et non, c'est passé comme une lettre à la poste. Et... c'est énorme, quoi. Je suis content de l'avoir revu et effectivement, c'est un revirement de situation. Inattendu pour ma part, j'en suis très fier. D'accord, ok. Bah, nous, on était surpris, hein, sur. Enfin, quand tu l'as annoncé sur les réseaux sociaux, on a cru une blague. Parce que quand t'as, parce qu'on savait que t'aimais pas les films, que t'aimais pas l'univers et ouais, que tu que t'es changé comme ça. Ouais, que t'es changé comme ça. Ah, moi, je pensais vraiment, quand j'ai vu ton post, je pensais vraiment, je suis pas possible, il nous raconte des conneries. Ouais. Et en fait, non, pas du tout. Bah, je suis très content pour toi. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. On va peut-être passer au prochain film, Daddy. Donc, ouais. Maggie. Donc, bah, ouais. Ni un coup de cœur, ni un coup de gueule, mais un petit. Voilà, j'ai envie d'en parler. Découverte. Parce que, oui, une découverte intéressante. Donc, c'est Maggie, réalisé par Hobson. Donc, c'est avec Arnold Schwarzenegger et Abigail Breslin. Mmh. Le pitch, je pense que bah, tout le monde le connaît, mais je vais le rappeler quand même. C'est en gros, c'est la y a un virus qui infecte les gens sur Terre. Mmh. Et qui les transforme en zombies. Donc on est vraiment dans la pure tradition du film de zombies, assoiffé de chair fraîche. Sauf que là, on n'est pas dans du, on n'est pas dans un film de Romero, ni dans un Resident Evil ou je ne sais quoi d'autre, où les zombies, enfin dans un film où on dégomme du zombie, on est plutôt dans un drame familial. Où la zombification traduit plus par exemple, le cancer, qui est une maladie réelle et incurable pour la plupart, malheureusement. Et c'est très intéressant sur ce point-là, parce que bah, le film part vraiment dans cet axe-là, de parler de la mort, de l'acceptation de la mort et du deuil aussi pour les personnes qui entourent la personne mourante. Bon, je suis désolé, hein, c'est on est passé du Seigneur aux Anneaux à ça. La chronique est un peu moins joyeuse, mais de toute façon, le film n'est pas joyeux du tout. Il n'est pas joyeux du tout, mais il est vraiment... Parler du Mordor. Oui, c'est ça. Non, mais ça, c'est pas dans le premier. Voilà. Pas vraiment dans le premier. Le premier, c'est pas super... On l'évoque. Voilà, on l'évoque, mais... Et donc là on est dans l'Amérique profonde et on a notre bon vieux Schwarzy qui n'a plus rien fait de très bon depuis des années, qui revient sur le devant de la scène et qui du coup va tout faire pour protéger sa fille et éviter de l'envoyer en quarantaine, dans une zone de quarantaine là où les services hospitaliers, enfin les urgences et tout, cloisonnent en gros les zombies pour éviter qu'ils infectent plus en plus de gens. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé d'intéressant, parce que pour une fois qu'on ne nous présente pas un film de zombies où tout a été dévasté, ouais, et qu'on est vraiment dans un film il y a des zombies, mais on contrôle, quoi, encore. Mmh. C'est une approche plus réaliste, plus terre à terre. Et c'est pas un film sur les zombies, c'est plus un film sur la maladie, quoi. Ouais. Même pas sur les infectés, c'est un film sur... la survie Non, même pas. Je dirais même pas que c'est la survie, parce qu'ils ne cherchent pas absolument à se débarrasser des zombies, tu vois. Ils les évitent, bien sûr, et quand il y en a, j'ai pas envie de révéler le film, il y a certaines scènes qui... Voilà, ils sont face à des zombies, mais c'est pas... Ils les voient comme une menace, et, ouais, en fait ils ont conscience du danger, mais on est encore dans une phase humaine, quoi. D'accord. Et en gros, par exemple, The Walking Dead pourrait être la suite de Maggie. D'accord. Entre guillemets. Ouais, je voudrais juste dans l'ambiance, ça me faisait beaucoup penser à La Route avec Viggo Mortensen. Est-ce que c'est un peu le cas? Alors, j'ai pas vu La Route, mais... Tu vois à peu près l'ambiance que je c'est. Je vois à peu près l'ambiance, j'ai vu des bandes-annonces et des petites brides du film. Oui, c'est un peu ça, ouais. D'accord. Alors après, visuellement, je pense que c'est là où le bas blesse un peu. Autant le film est très lent, mais ça sert justement... ça traduit la lente décomposition du corps de Maggie, justement. D'ailleurs, Abigail Breslin est très bien dans ce rôle-là. Elle est... Abigail Breslin, c'est celle qui jouait dans Little Miss Sunshine. Ah oui, d'accord. Ouais, qui jouait la petite fille. Ouais, ouais. Et c'est une actrice qui n'a jamais fait de grands rôles, mais elle a joué dans pas mal de trucs. Et je trouve qu'ici, elle est très bien. Et Schwarzy est très bien aussi. Il cabotine pas trop? Non, pas du tout. Enfin, moi, j'ai pas trouvé. Okay. Hein. Je trouve qu'au contraire, il est touchant, il est assez poignant dans son rôle. Et voilà, quoi, c'est pas un film qui tend à être gore, c'est pas un film où on castagne, c'est vraiment un film qui nous fait réfléchir et qui C'est pas un film qui donne des leçons morales non plus, mais moi je trouve ça bien amené, quoi. Il y a plein de bonnes choses à en retenir et le contexte est intéressant. C'est vrai qu'il y a aussi l'originalité du sujet dans un genre qui pourtant est hyper galvaudé aujourd'hui et qu'on nous resserre tout le temps. Donc voilà, moi c'est pas un film, il sera pas dans mon top 10 de l'année, mais ouais. Voilà, c'est un petit film qui mérite vraiment d'être vu pour ce qu'il est, quoi. Après, il y a des trucs qui fonctionnent moins bien visuellement, par exemple, le réalisateur doit avoir une facilité pour les couchers de soleil. Peut-être que c'est un symbole de la vie qui abandonne petit à petit cette jeune fille. Je pense qu'il y a un petit niveau de lecture supplémentaire aussi que j'ai pas forcément perçu. Il y a beaucoup de choses dans les métaphores, je pense. Voilà, mais moi j'ai bien aimé et je le conseille. Si vous hésitiez, ouais. Ben pourquoi pas, ça change et je pense que c'est le genre de film aussi parce qu'il est américain et c'est vrai que le cinéma indépendant américain parfois peine à convaincre Maggie a l'originalité du truc, je trouve, pour et ça le rend intéressant. Ben moi ça me tentait déjà, de toute façon je... Par contre je voudrais poser une question, Eddie. Est-ce que le scénario, dit comme ça, le scénario, il a l'air quand même assez sans surprise, vu que par rapport à l'histoire de base, on a l'air quand même de savoir où est-ce qu'on va, quoi. Et bien sûr, toute la finalité du truc, c'est de savoir si, oui ou non, il va se débarrasser de sa fille, entre guillemets. Étant donné qu'on nous vend une prestation d'Arnold Schwarzenegger poignante, enfin, moi qui n'ai pas vu le film, j'ai l'impression quand même qu'à la fin il va la tuer. Pas forcément, parce que justement on peut le voir aussi. Quand je dis poignant, c'est pas seulement poignant parce qu'il doit prendre des décisions, mais c'est parce qu'il faut qu'il accepte la situation. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment prégnant dans le film. Mais après, il y a beaucoup de questionnements. On peut aussi penser à l'euthanasie, dans un sens. C'est plein de choses comme ça. Et après, évidemment, on sait bien qu'au final, la jeune fille va devenir un zombie. Ça, c'est évident. La réponse, on l'a même avant que le film commence. La bande-annonce nous explique ça aussi. Mais je pense que ça, c'est quelque chose de logique. Maintenant, c'est tout le cheminement jusque-là qui est intéressant. L'acceptation. C'est pas un film qui tient forcément sur sa fin. D'ailleurs, la fin du film, c'est pas l'élément qu'on retient le plus, d'ailleurs, quand on le voit. Mais c'est vraiment tout le cheminement jusque-là est intéressant. Ok, d'accord. Et il passe encore, donc si vous voulez y aller, vous pouvez. Un bon petit conseil, si vous voulez un film de zombies qui ne ressemble pas à tous les autres. Ah oui, non, ça n'a rien à voir. Qui ne ressemble pas à The Walking Dead, ça serait pas mal. Ouais. Non, c'est moins chiant que les deux dernières saisons de The Walking Dead. les trois dernières, même. Ah non, ça va, la 3 elle était pas mal, ça va. La 3 était, ça va. Morgane, on va passer à ton deuxième et dernier film. Donc un film aussi qui est au cinéma en ce moment, La loi du marché. Donc vas-y, je t'en prie. Alors c'est un film qui a été sélectionné au Festival de Cannes en compétition, qui a beaucoup fait parler de lui. Compétition officielle ou pas, je me rappelle plus. Ah oui. Et d'ailleurs, Vincent Lindon a gagné le prix d'interprétation masculine. Ah oui, d'accord, oui. Donc forcément. Qui est, je pense, la meilleure récompense que le film pouvait avoir, même si j'ai adoré le film et qu'il est, je pense, qu'il fera partie de mon top 5 de l'année. Le film ne méritait vraiment ce prix. Enfin, Lindon méritait vraiment son prix. En plus, c'est le premier prix de sa carrière et c'est son discours était très beau. Je vous invite à le revoir. C'est un film qui parle de. Alors, c'est un film qui est très simple. Qui m'a beaucoup fait penser à Deux jours une nuit. Oui, ça m'étonne pas. Ouais. Mais il m'a beaucoup plus touché que Deux jours une nuit. Alors, sachant que Deux jours une nuit, t'avais déjà bien touché. Ah oui. Mais moi, je sais pas, je suis très. J'ai l'impression que j'adore les films, justement, où ça parle d'emploi, où ça parle de misère presque. Et là, parce que c'est réaliste, je pense que c'est très représentatif de notre époque, malheureusement. Et d'ailleurs le film il joue vraiment que là-dessus, sur un réalisme un peu froid, c'est-à-dire que le film il est très, même dans la façon, pour raconter l'histoire en deux mots si les gens n'ont pas lu avant, donc c'est l'histoire d'un chômeur d'une cinquantaine d'années qui doit se battre pour retrouver un emploi afin de ne pas perdre sa maison, c'est la vie d'un chômeur aujourd'hui. C'est ça. Clairement, ça peut faire peur dit comme ça, ça peut paraître. C'est pas un peu le portrait d'un homme qui se bat aussi pour justement rester un humain civilisé, quoi, qui se rattache à tout ce qui fait qu'un humain est un humain, pas un citoyen, mais tu vois, le fait d'avoir un toit, de travailler pour gagner sa vie, tu vois, tout ça. Plutôt, enfin, il se bat pour garder tout ce qu'il a construit jusqu'à présent. Il y a une scène qui est très forte dans le film où sa banquière lui propose d'hypothéquer sa maison. Il lui dit non, je refuse. Elle lui demande pourquoi. Il répond parce que ça voudrait dire que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça servait à rien. Ouais. Et donc le film, il est vraiment là-dessus, et c'est joué par un Vincent Lindon, mais il est d'une sobriété, d'une justesse. Cet acteur, il m'a ému, et pourtant le film n'est jamais pathos, jamais sirupeux. C'est toujours très délicat, même comme je l'ai dit, même dans les plans. Le réalisateur, je trouve qu'en termes de mise en scène, le film, il est très bien pensé, notamment sur le point de vue. Mm-hmm. Il y a une scène d'entretien par Skype où on voit Vincent Lindon de profil se faire rabaisser par un recruteur à distance sur sa chaise de luxe. Et lui, il est là en train de lutter pour pouvoir se vendre. Et on voit petit à petit qu'il est là, qu'il désespère. Et c'est filmé en plan fixe. Il y a beaucoup de plans fixes d'ailleurs pendant le film. Mais c'est un film qui est extrêmement simple dans sa mise en scène, mais en même temps extrêmement bien pensé. Ça dure 1h30, donc c'est pas un gros film de 2h30 qui donne envie de se tirer une balle à la sortie. C'est assez optimiste, franchement. Mais c'est surtout une performance d'acteur, mais comme j'en ai rarement vu, et qui me donne espoir au ciné, enfin, par rapport à l'avenir du cinéma français. Même si on peut dire que c'est le prototype même du film français, social, qui dénonce toujours les mêmes choses. Mais ça, c'est un problème. C'est un problème qui est vrai, malheureusement, vu que le film, c'est clairement un miroir, ce film. Ça nous montre une partie de la France, une partie des Français. Il y a des gens comme ça. Et c'est surtout filmé sans... Il n'y a pas de... C'est pas un film qui fait la morale. Il veut faire bouger les choses, mais sans faire la morale. Je trouve vraiment la démarche, elle est extrêmement, extrêmement bien pensée. Donc, du coup, c'est pas de la propagande, c'est pas un discours politique, c'est juste un constat. Le film, c'est un constat. Et c'est pas le film qui a le grand bandeau, en gros, les chômeurs, allez bosser, quoi. Exactement. Trouver du travail, même s'il n'y en a pas pour vous, tu vois. Quand on veut du boulot, on peut. Ça, c'est la phrase que beaucoup de chômeurs entendent. Oui. Et c'est un film qui est sans jugement, et c'est pour ça que ça m'a fait penser à Deux jours une nuit, même si Deux jours une nuit avait plus un côté un peu conte, un peu fable. C'était presque une métaphore de la survie, finalement, parce qu'elle se battait pour garder sa place. Et là, les deux doivent bien se compléter, du coup, je pense. Ah oui, c'est pour ça, honnêtement, j'ai adoré Deux jours une nuit l'année dernière, et là, cette année, La loi du marché, c'est mon Deux jours une nuit à moi. C'est un film que j'ai envie de le revoir, même si c'est vrai qu'en sortant de la salle, j'étais un petit peu... Mais j'étais peiné, enfin, j'ai ressenti un truc. Et Vincent Lindon qui joue ça, c'est un acteur qui a énormément d'humilité, énormément d'intégrité dans ses rôles. Il tourne pas à la chaîne, mais quand il fait quelque chose, il s'implique. Et là, ça a été récompensé. Et rien que pour ça, je trouve que le film vaut le détour. D'accord, ok. D'accord. Moi aussi, je le verrai. C'est quand même bizarre que c'est toujours ce genre de film qui soit récompensé. Pour revenir un peu sur le festival de Cannes, c'est un peu la bonne conscience de toute l'industrie qui récompense. Un festival aussi glamour, bling bling, qui récompense des œuvres comme et ça. C'est surtout pour se donner une bonne conscience, je trouve. Mais même si le film est sûrement très bien, et moi j'ai très envie de le voir aussi, on peut pas... éviter ce genre de comparaison. On va peut-être passer au dernier film. Eddie qui va nous parler de Pyramide. Oui, alors ça va être beaucoup plus court parce que c'est une grosse merde. Pyramide qui est réalisé par l'un des disciples d'Alexandre Aja. L'un des sbires. C'est Grégory Levasseur qui a réalisé, mais je crois que c'est son premier film. Oui, c'est son premier film. Il a été scénariste sur d'autres, notamment sur Maniac. Sur Maniac, sur Mirrors. Ça va. Sur Haute Tension, La Colline à des Yeux. Tout ça. C'est le. Il est dans les jupons d'Alexandre Aja. Oui, c'est ce qu'on a dit. C'est un petit sbire. Il a produit Piranha 3D et tout ça, quoi. Ah, un peu comme Pierre Morel avec Tekken 1, quoi, par rapport à Luc Besson. C'est un peu son faire-valoir, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Un pouce-bouton. C'est ça. Et donc là, il réalise son premier film. Donc, c'est une équipe d'archéologues. Donc, principalement, c'est un père et sa fille qui sont... Un père et sa fille qui sont tous les deux archéologues. Il me semble que le père est carrément égyptologue, je crois. Mmh. Il me semble bien. Je l'ai vu en début de mois, donc ça date un peu maintenant. Et j'en ai vu pas mal depuis. Et d'ailleurs, je me demande pourquoi j'ai été voir ça, mais bon, bref. Et du coup, mais parce que j'adore l'Égypte ancienne, voilà. Ça c'est dit, et c'est ce qui fait que je déteste le film du coup, parce que c'est une aberration, en termes d'histoire et tout ça, bref. Et en gros, voilà, donc c'est un père et sa fille qui sont tous les deux archéologues, l'un des deux est égyptologue, qui mettent à jour une pyramide qui n'a pas la même forme en fait, elle a un nom bien particulier que je n'ai pas retenu, une pyramide, il y a quatre faces. C'est une figure géométrique. Et là, en fait, c'est une pyramide à trois faces. Mm-hmm. Donc, quelque chose qui n'a jamais vu. Enfin, c'est quelque chose qui n'existe pas, de toute façon, il me semble. À quatre faces. À quatre faces, c'est les pyramides que l'on connaît. Oui, à trois faces, ouais, d'accord. Et là, en fait, ils en découvrent une qui a trois faces. Donc, ils décident de l'explorer. Oh, géométrie, là. Voilà. C'est simple, Morgane. Ah non, mais moi, tu me parles de match, je m'en vais, moi. Non. Oui, j'ai décroché là. Dis-toi que les pyramides qu'on voit en Égypte, elles sont normales, et celles qu'on voit dans le film, elles n'est pas normales. Voilà. Voilà, c'est mieux. Voilà. Et donc cette équipe d'archéologues sur le terrain, il y a aussi une équipe de tournage, forcément, parce que le film se fait principalement en found footage, donc il faut justifier ça. Bon, ici, c'est pas trop mal trouvé. C'est vrai que des fois, le found footage, tu te demandes un peu pourquoi ça a été fait comme ça. Bon, là, ça va. C'est pour un reportage sur les archéologues et tout ça. Donc, ça passe. Cette pyramide est bizarre et tout. Mais évidemment, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas prendre de... Ils vont décider tout d'aller seul, dedans. Ouais. Contre, justement, le gouvernement égyptien qui finançait l'expédition. Ils veulent arrêter pour un... Il y a un problème lors de la découverte de la pyramide. Mais évidemment, les personnages principaux vont aller contre la règle et vont entrer dans cette pyramide et ils vont se faire buter un par un. Voilà, donc moi j'ai un problème avec ce film là, c'est parce que d'une part ça ne renouvelle rien, ça ne renouvelle absolument pas le genre, c'est ni plus ni moins que un petit survival d'horreur dans une pyramide. Ouais, dans une pyramide. Ils sont poursuivis par des créatures, on ne sait pas trop ce que c'est. Alors au début, on croit que c'est des animaux un peu fantastiques. En fait, il s'avère que c'est juste des sphinx. Les sphinx, vous savez, c'est ces chats qui n'ont pas de poils. Mm-hmm. Oui. Ah, voilà. Comme dans Friends. Voilà, qui étaient vénérés dans l'Égypte ancienne. On disait que les chats étaient les gardiens des morts. Donc là, c'est tout à fait logique d'en retrouver dans les pyramides. Ça, par contre, c'est un fait réel. Chats, il y avait vraiment des chats dans les pyramides. Il y avait beaucoup de chats dans les nécropoles, de toute façon. On a même retrouvé des momies de chats. Donc, c'est pour dire à quel point ils les vénéraient. Et donc là, ils se font poursuivre par des trucs comme ça. Et on se rend compte qu'au final, il y a un gros monstre dans la pyramide. Et là, je vais spoiler. Je suis désolé. Vous écouterez pas si vous aviez envie de le voir. Mais la créature qui les poursuit et qui les tue un par un, ce n'est ni plus ni moins qu'un ancien dieu égyptien. Mm-hmm. Ah, Anubis, le dieu des morts. Oui, Anubis, le dieu des morts. Ah, bah c'est ce que j'ai dit juste avant. En plus. Et qui reproduit le rituel, et qui en fait pour les tuer reproduit le rituel de la pesée des âmes. Alors la pesée des âmes en fait dans l'Égypte ancienne, c'est un rituel qui, en gros, quand une personne meurt, elle est embaumée, on fait la momie et tout ça, elle est enterrée avec le sarcophage. Soit les gentils, soit les méchants. Voilà, et donc du coup, il arrive dans le royaume des morts, et là, il doit passer par le tribunal des morts, entre guillemets, qui est présidé par le dieu des dieux, Osiris. Et en fait, Anubis emmène le mort faire peser son âme sur la balance des âmes, et si en fait son âme est plus lourde que la plume de la justice... ça veut dire qu'il a son âme est mauvaise, donc il est son âme est dévorée par la dévorante, c'est une créature un peu bizarre. Et si son âme est bonne, et ben, du coup, il peut rejoindre le royaume des morts et vivre la vie éternelle. Sauf qu'ici, ben, on s'en fout. C'est Anubis qui fait sa pesée des âmes. Alors, on le voit faire la pesée des âmes. Hein, pesée des âmes. Là, il pèse les cœurs, bizarrement. Il pèse le cœur de ses victimes. Et puis, ben, vu que, sans qu'on sache trop pourquoi toutes ses victimes sont mauvaises, certainement parce qu'elles sont rentrées dans le tombeau et qu'elles n'avaient pas droit, ben, il bouffe les cœurs de ses victimes. Ouais. Et donc, en gros, ben, le film, c'est essayer de sortir tout ça, et on essaie de nous faire passer nos héros pour des personnes hyper, hyper intègres, des égyptologues passionnés et tout. Voilà. Moi ça m'emmerde parce que déjà ça détourne des choses que l'on sait qui sont marquées dans des livres vieux de plusieurs siècles. Voilà, ce qui me sidère, c'est que t'as des gens qui sont vraiment en Égypte et qui font des fouilles et qui trouvent des choses incroyables. Et puis on a des mecs comme ça, là, comme Levasseur, qui se ramènent et puis qui te pondent un scénario à deux balles et qui s'étonnent ensuite que les films français de genre ne fonctionnent pas. Mais remettez-vous en cause, bordel, c'est que vous faites de la merde, c'est tout. Les films français de genre, il y a un gros souci. De toute façon, les films de genre en général, depuis quelques années, ont des gros problèmes. Voilà, donc Pyramide, ça pour moi, c'est vraiment tout ce que ne devrait pas être un film d'horreur, quoi. Ça me gêne vraiment. Non seulement ça fout le bordel dans tout ce qui peut être mythologie égyptienne, ça n'a pas de sens, c'est pas cohérent. Bon, après, si on part du principe que la mythologie est quand même assez cohérente, je pars de ce principe-là. Je pense que la mythologie, elle a un sens, elle n'est pas là pour rien. Et du coup, voilà, quoi. C'est avoir des sujets en or pour en faire de la merde. C'est un peu le symptôme, je pense, de tous ces films-là en ce moment. Donc voilà, donc Pyramide, de toute façon, je crois que ça passe plus dans les salles de ciné. Moi, je vous le conseille vraiment pas parce que c'était très. C'est vraiment pas intéressant. J'ai une petite question, vu que t'as l'air assez au fait assez cultivé sur le tout momie et compagnie. Qu'est-ce que tu penses de la momie? Quand tu parles de ce film-là, j'ai envie de le revoir. La momie, dans le premier, bon, il y a des incohérences, mais il y a quand même beaucoup de choses vraies. Tout ce qui est livre des morts et compagnie. Il y a beaucoup de choses vraies, notamment sur tout l'aspect un peu démoniaque de la mythologie égyptienne. Il y a plein de choses comme ça qui sont très vraies, je trouve, et c'est bien amené. Mais après, ce qui me choque pas dans La Momie, c'est que à côté de ça, il y a peut-être des incohérences, mais ça reste quand même un film d'aventure convaincant. Exactement. Ouais, c'est un... Alors que là, tu vois, à la limite, qu'ils détournent 2-3 trucs dans Pyramide, je dis pas, mais qu'ils en fassent pas ce qu'ils font là, quoi. C'est là, c'est que c'est nul, en fait. C'est que ça n'a aucun intérêt. C'est ça le problème. À la limite, bon, t'aurais des. Le dieu égyptien qui les poursuit aurait des bonnes raisons, mais on sait même pas. On sait pas ce qui le motive. Donc, c'est plein de trucs comme ça qui me gênent, quoi. Et puis, je trouve ça. C'est naze. Non, c'est pas. Non, c'est naze. C'est naze. Après, c'est vrai qu'il y avait. Moi, pourquoi je l'ai vu? Parce qu'il y avait l'originalité du truc, quand même. Ça se passe en Égypte, ça se passe dans une pyramide. C'est quand même des sujets qui m'intéressent. Ouais, enfin, quand tu vois. La bande annonce, tu le sentais venir à 200 km le truc. Hein. On s'attend pas à ce que ça soit Anubis, ouais, hein, quand non, même. D'accord, mais... On s'attend à ce que ça soit des momies qui se réveillent, quoi, tu vois, des trucs que je sais pas tout. Ce qu'on voit tous les jours. Hein. Voilà. Un peu bateau, oui, entre guillemets, dans ce genre de film. Mais il y en a pas beaucoup, mais d'ailleurs. Mais voilà. Des films de momies, il y en a pas tant que ça. Sur la mythologie égyptienne et tout ça. Si, il y a le film de Xavier Dolan. Oui. On va passer ça. Et des films sur les mythologies égyptiennes, non, il y en a pas tant que ça. Je trouve ça dommage. Agora, c'était pas du tout dans ce délire-là, non? Agora. Qui ça? Agora. Agora, non, pas du tout. Agora, ça parle d'Égypte, Agora, non? Ça se passe à Alexandrie, en Égypte. D'ailleurs, il est dans mon top 10 des meilleurs films de tous les temps, celui-là. Mais non, Agora, c'est plus une dénonciation du fanatisme. Ah oui, d'accord. Non, parce que de toute façon, ça se passe. C'est pratiquement à la fin de l'époque antique, Agora. Donc, la mythologie égyptienne prend place bien avant. Nous, quand on était pratiquement encore à l'âge de pierre en Europe, les Égyptiens avaient déjà posé les premiers jalons de leur civilisation. Donc, c'est très, très vieux, l'Égypte ancienne. Ok. Bon, je pense qu'on n'a pas grand-chose à rajouter, puisqu'on n'a pas vu les films. Film, et de toute façon... Mais je vous le conseille vraiment pas. Je comptais pas du tout le voir, donc à moins qu'un jour il tombe dans les recommandations pas très recommandables, mais on sait jamais. Ouais, non, même pas. C'est nul, mais ouais. Je sais pas. Ah, okay. Je sais pas, remarqué. D'accord. J'y pensais pas, mais. Peut-être un jour. Je serai obligé de le voir. Du coup, bah, on va passer. Si on a rien à rajouter, si vous avez rien à rajouter, mm-hmm. on va passer au film du mois qui est Tomorrowland. Du film du mois, et ce mois-ci on vous a choisi un film qui est c'est un très gros film qui est sorti ce mois-ci, donc c'est Tomorrowland. Bon, bah, je vais être obligé de dire le titre en français, même si je m'étais refusé de le dire, parce que peut-être que beaucoup de monde ne connaît pas le titre anglais, donc à la poursuite de demain, qui est le titre français. Et pour moi, le titre québécois a plus de sens que le titre français. Pour une fois, j'ai pas vu le titre québécois. Qui est Le Monde de Demain. Oui, voilà. Ça passe beaucoup mieux déjà, oui. Donc, qui est la traduction littérale de Tomorrowland. Donc voilà. La réalisation est de Brad Bird. le scénario de Brad Bird, Jeff Jensen et Damon Lindelof. Sorti. Damon Lindelof, Lost ? Oui, c'est ouais. Le producteur de Lost. D'accord. Ah oui, exact, c'est vrai. Eh oui. Il est sorti le 22 mai 2015 aux États-Unis et le 20 mai 2015 en France. On retrouve à la distribution Brittany Robertson en Casey Newton, George Clooney en Frank Walker, Hugh Laurie en David Nix, Rafi Cassidy en Athena, Tim McGraw en Eddie Newton et Judy Greer en Jenny Newton. Et puis après, il y a pas mal. J'ai vu que Judy Greer était dans le casting et je me rappelle même plus de l'avoir vue dans le film. Mais elle passe très vite. Hein. C'est ça. Donc voilà, moi je vais vite commencer parce que j'ai déjà la critique sur le site, donc vous pouvez la lire pour connaître mon avis plus en détail sur le site, sur le film, mais je vais plus réagir à ce que mes deux comparses vont dire par rapport au film. Donc voilà, je vais pas trop m'attarder sur les détails techniques puisqu'on va en parler aussi, enfin tous les petits détails. Moi je trouve que c'est déjà j'ai adoré le film pour commencer. C'est un vrai film de rêveur, c'est une ode à l'imagination. Le film il est intelligent, il prend pas son pluie pour des attardés, et ça manque beaucoup dans les blockbusters actuels. Et ça fait beaucoup de bien. Je pense que ce film a besoin d'être vu par tout le monde, et encore plus par la jeune génération, puisque c'est un vrai film optimiste, et ça fait du bien en cette époque de film. Je prends un exemple qui est sorti ce mois-ci, San Andreas. Je sais que t'as aimé Morgan. Moi, j'irai pas le voir, ça c'est sûr. Mais... Oh, c'est gentiment con. Ça va. Voilà. Non, mais c'est vrai. Mais tu vas pas, enfin tu vois, c'est que des films pessimistes, ce genre de truc, c'est non, la fin de San Andreas elle est très optimiste avec le drapeau américain où ils disent on reconstruit tout. Non, c'est optimiste. Et puis tous les gens qui sont morts à côté, on s'en fout un peu. On les voit pas. The Rock il meurt pas quoi. Non, bah... désolé. Voilà, tous les films catastrophes et tout ça, ça m'embête un peu. Il est solide comme un rock. Ok. On va passer ça rapidement. Ouais, Morgan aurait pu la faire. Du coup, voilà, moi, je trouve que c'est un film très optimiste qui laisse la liberté d'interprétation, ce qui manque beaucoup en ce moment aussi au cinéma, où on vous explique tout partout, où il faut fermer toutes les boucles qu'on a ouvertes. Et du coup, si vous n'aimez pas ce film, vous êtes pessimiste et vous devez vous faire interner. Voilà. Je déconne. Hein. Ouais, j'espère. Non, je déconne parce que, Eddie, je t'en prie, tu peux nous donner ton avis sur le film que tu n'as pas autant aimé que moi. Mais non, mais le pire, c'est que je comprends parfaitement vos avis, en fait. Et j'ai déjà eu des gros débats dessus. Et j'ai pas envie de passer pour le gros méchant parce que c'est. Mais pour une fois qu'il y a un peu de débat dans le podcast. Mais non, mais le truc, c'est que c'est pas un mauvais film du tout. C'est un très bon film, Tom Holland. Mais moi, comme je l'ai dit, et je vais le répéter pour là, je sais pas combien de fois, je ne blâme pas le film pour ce qu'il est ni ce qu'il prône. Ce qui me gêne dans le film, c'est tout son cheminement, en fait. Je comprends pas pourquoi Brad Bird, qui fait pourtant des trucs vachement bien, s'amuse à évoquer plein de choses comme ça, et au final, on n'en sait pas plus, quoi. Alors peut-être que c'est justement dû au fait, comme tu le dis, que c'est un film de rêveur qui laisse place à l'interprétation, mais moi ça me gêne. Je peux comprendre cette optique-là, mais tu vois, quand il aborde des choses comme l'utopie ou la théorie de la relativité, tu vois, des trucs comme ça, qui sont très intéressantes au demeurant, mais c'est des films où dans ce film-là, moi ça me pose problème parce que finalement il va pas dans le fond, je trouve, des choses. C'est principalement pour ça que je lui en veux. Après, je reconnais que oui, visuellement c'est magnifique, que la vision du futur elle donne vraiment envie, même si bon, je suis un peu plus partagé concernant la morale à la fin. Pour moi, c'est ni plus ni moins que en gros, le futur il est bien ce qu'on veut en faire. Donc en gros, t'es rêveur, tout va bien, t'es pessimiste, tout va mal. Ça me paraît logique, mais c'est un peu bateau, je trouve. À côté de ça, voilà quoi, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien en termes de casting. Je trouve le casting est très bon, notamment Rafi Cassidy, qui casse un peu la baraque quand même dans son rôle de droïde. Et puis oui, comme je l'ai dit, visuellement ça passe très bien. Il y a des très bonnes scènes. La mise en scène est extra. Mais voilà, moi je trouve que l'exposition est trop longue, qu'on évoque plein de choses, qu'on n'en résout pas assez, et que au final on en ressort un peu dubitatif. Moi je l'ai vraiment perçu comme ça. La personne à qui j'y suis allé l'a perçu de la même façon, et je pense que je sais pas, je pense que c'est vraiment un film qui se vit au cas par cas, en fait. Vous l'avez vraiment aimé, et pourtant je pensais être quelqu'un d'assez rêveur par rapport à mes goûts de film et tout ça, mais Tu l'es pas assez. Et je pense que je ne le suis pas assez, et je le déplore, parce que à côté de ça, je trouve que Tomorrowland, c'est un très bon film, et d'ailleurs je suis le premier à trouver ça dommage qu'il fasse un flop, justement. Ça c'est vraiment trop dommage, c'est très injustifié, et voilà, c'est comme tu dis, de toute façon, avec un titre comme À la poursuite de demain, ça peut pas marcher, c'est pas possible. Non, mais c'est mondial, hein, le bid, il est mondial, surtout en Amérique. Mais c'est parce que et ça c'est encore pire, parce que le fait que ce soit quelque chose d'original, même si ça vient d'une attraction comme Pirates des Caraïbes, c'est quand même un scénario original pour une fois à Hollywood. Ouais, mais bon, après, attends, l'évocation de Small World dans le film, elle est quand même le film repose pas entièrement là-dessus non plus, hein, je trouve, hein. De quoi, l'attraction. L'attraction, oui, d'accord, mais... Quand tu vas dans un parc Disneyland, t'as pas de référence à Tomorrowland comme ça. Hein. T'as une partie, t'as l'un des lands du parc qui s'appelle Discoveryland. Oui, c'est le français de Tomorrowland. Je sais pas. Discoveryland, en fait, c'est tout ce qui va être Toy Story, Star Wars, Space Mountain et tout dans les parcs Disneyland. Mm-hmm. Alors que là, en fait, si tu veux, l'attraction en question dans Tomorrowland, elle se trouve à Fantasyland. D'accord. Ça fait beaucoup de land, je sais, mais... Non, mais je suis pas allé à Disneyland, donc je pourrais pas Mais moi, j'y ai été, et du coup, c'est pour ça que ça m'a surpris. Je savais qu'il y avait un rapport avec une attraction, et je m'attendais à un truc genre Space Mountain ou Oui, mais voilà, après... Ou Autotopia, je sais pas, un truc comme ça, mais je m'attendais pas à Small World, en fait. Donc, Mais bon, après... Non, mais je pense que là, il faut... C'est pas sur ça qu'il faut vendre le film, hein, je pense, hein. Parce que c'est pas. Enfin, pour moi, l'attraction, ça aurait pu être n'importe laquelle, en fait. Ouais. Je sais pas si on va laisser peut-être Morgane donner son avis. Oui, Morgane qui est un rêveur. Ouais. Je suis avec toi. Je comprends, Eddie, que t'as été un petit peu, je vais dire entre guillemets, refroidi. Ouais. Je dois dire que quand je suis sorti du film, très franchement, j'étais pas autant emballé que je l'étais maintenant. Il a fallu que le film fasse son petit bout de chemin dans ma tête. J'y réfléchissais pendant que j'écoutais ma musique quand j'étais dans le bus. Et parce que le film m'a énormément déstabilisé. J'ai du mal à percevoir ce film comme un film pour enfants. je trouve le film un petit peu. Ah, mais pour moi, il est pas pour enfants. Hein, justement. Mais il est pas pour enfants. Il est pour ados et adultes, Tomorrowland. Et il est pour inciter les ados à être rêveurs. Il est pour ramener les adultes en enfance. Et ça fonctionne, je trouve. Oui, c'est ça. Enfin, moi, je l'ai juste perçu comme ça. C'est tout cet optimiste qui m'a vraiment touché et qu'on retrouve vraiment très peu aujourd'hui. Quand on voit, même si le film est excellent, Mad Max, c'est pas optimiste Mad Max du tout. C'est apocalyptique, tout le monde se fout sur la gueule et tout. Et là, on a un petit truc vraiment qui fait du bien, qui épouse totalement tout ce que Disney peut faire de mieux, enfin les films live Disney. Et malheureusement, les films live qui sont les meilleurs se cassent la gueule, comme John Carter en 2012, même si j'ai préféré largement Tomorrowland. Et je trouve le film, alors il est un peu complexe, j'ai pas tout compris, vraiment. J'ai besoin de le revoir. Mais j'ai pas tout pigé, hein. Mais moi, j'ai pas eu la sensation de. Moi, je pense avoir tout compris de ce qu'il y avait à comprendre. Et justement, c'est là que ça me gêne, c'est que tu vois, du coup, j'aurais aimé en comprendre plus, tu vois, avoir plus de choses à comprendre, justement. Mais en fait, c'est parce qu'il évoque justement plein de choses. En termes d'interprétation, je suis pas sûr que mon interprétation soit vraiment la bonne. Et si je le dis, ça va vraiment spoiler. Donc, c'est du ressenti personnel. Moi, c'est pas parce que moi je dis qu'il évoque plein de choses et que ça me gêne parce qu'il répond pas à tout que j'ai raison pour autant. Axel l'a pas vécu comme ça du tout, par exemple. Moi, j'avais mon sourire sur le visage comme un gros con là pendant tout le film. Dès le début. C'est vrai que j'avais. Je dois dire, au début, je me suis dit, est-ce que c'est niais ? C'est vrai qu'il y a le début, avec l'enfant, et ça, très niais. Et finalement, c'est pas niais, c'est juste... On n'est plus vraiment habitué aujourd'hui à voir des films comme ça. Voilà, c'est des films, c'est de l'émotion pure, et c'est très enfantin, c'est vraiment des émotions enfantines, ça fait appel à nos émotions les plus juvéniles, si je puis dire. Du coup, quand on voit ça en tant qu'adulte, on se dit, putain, c'est quand même un peu cucu quand même. Le gamin avec son jetpack qui se regarde dans le miroir, dans la glace, qui fait youhou, c'est un petit peu. Mais finalement, c'est beau, il y a une beauté là-dedans, esthétiquement. Qu'en fait, ce gamin, c'est son. Enfin, faut un peu. En gros, il faut se mettre à sa place, quoi. C'est un peu ce qu'on nous invite à faire aussi. Bah oui. Et je pense qu'il arrive à un moment où tu arrives moins à faire ces choses-là. Enfin, moi, je me rends compte de ça en rattrapant beaucoup de films qui sont cultes pour des générations de spectateurs qui les ont vus petits. Je pense à les Goonies, des trucs comme ça. Moi, c'est vrai que les Goonies, j'ai pas du tout réussi à rentrer dans le truc. Ah ouais ? Par exemple. Ah ouais, non, pas du tout. Hein. Ouais. Donc, tu vois, c'est plus. Je pense que c'est aussi un niveau de lecture qui fait tout ça. Oui, puis donc ce qui m'a plu, non, c'est cette le film n'est construit que par justement son scénario hyper optimiste et ça m'a fait du bien. C'est limite un film movie quoi. En sortant de là, je me suis senti bien et malheureusement j'ai senti que le film en France n'allait pas déjà à cause du titre et l'affiche quand même. L'affiche elle est quand même horriblement, elle est moche. Notamment une des affiches qui ressemble à une affiche d'Interstellar aussi. On les voit dans un champ de blé, la tête relevée. C'est clairement. Moi, quand j'ai vu l'affiche, je me suis dit, mais attends, c'est Interstellar. C'est pas celle-là qui me choque le plus. Moi, celle que je trouve la moins jolie, c'est celle qui est officielle, que tu vois un peu partout. T'as George Clooney et puis Britt Robertson devant. T'as le blé entre les deux, puis Tomorrowland dans le fond, quoi. Avec le futur n'attend que vous, en punchline. Alors justement, en termes d'acteur, c'est vrai, si j'ai un petit bémol à dire, George Clooney, je l'ai trouvé un petit peu, même Hugh Laurie, mais je trouve qu'en fait le film il est tellement, c'est surtout les héroïnes. Il repose plutôt sur les héroïnes. Et ça, c'est... Moi j'étais content de pas voir George Clooney faire sa star tout du long. Hein. Bah oui, justement, c'est ça qui est bien. Ça m'a fait plaisir. Hein. C'est que il a c'est besoin de ses deux, filles, donc Casey Newton et Athena. Pour survivre et pour... Il leur laisse de la place. Ouais. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est juste... Moi, j'ai trouvé ça super bien. Après, c'est vrai que si on veut parler casting, pour moi, celle qui sort clairement du lot, c'est la plus jeune. C'est Cassidy, la Rafi Cassidy. Ouais. Elle a un regard, elle a une expression. C'est incroyable, quoi. Ouais. Et elle, en fait, c'est la petite qui joue Blanche-Neige dans Blanche-Neige et le chasseur. Dis donc qu'elle est cantonnée au Disney, elle, hein. C'est pas un Disney, Blanche-Neige. C'est pas un Disney, c'est un film. Non, mais c'est oui, d'accord. Voilà. Et puis les scènes d'action, elles sont vraiment jouissives. Je repense très belle, la scène dans le dans le magasin de comics ou de oui. Voilà. Elle est juste oui. Magnifique. Alors, apparemment, il y a toute une symbolique aussi autour de ça que moi j'ai pas perçu, par exemple. Moi j'ai vu des petites références aux indestructibles, aux géants de fer, etc. C'était sympa. Ouais, le fait qu'il. Non, mais j'en parlais avec Stéphane, donc, quelqu'un ouais. Avec qui je parle souvent cinéma, enfin que vous connaissez tous les trois, qu'on connaît tous les trois, oui. Qui disait que c'est pas. Stéphane. Ah, que c'est Stéphane pas... Oui, il va m'en vouloir si je. Je t'aime bien, Stéphane, je t'aime bien. qui en gros disait que c'était pas anodin si le magasin qui se faisait détruire dans le film, c'était un truc sur les, ben, un magasin de geeks sur, ouais. Sur les vieux, les, ben, les vieux, les vieilles franchises et tout quoi. Mm-hmm. Que justement, ben, c'est vraiment un film tourné sur l'avenir par rapport à ça. Enfin, apparemment, ouais. Il y a une grosse métaphore là-dessus. Ouais. C'est, il a parfaitement raison, mais c'est vrai qu'il me l'aurait pas dit, je l'aurais pas forcément perçu. Mm-hmm. Je pense que le problème que j'ai eu, c'est que j'ai pas perçu forcément toutes les métaphores qu'il pouvait y avoir, parce que j'étais obnubilé par le fait que, j'en reviens encore à ce que je disais, mais qui me dévoilait, qui me parlait de trucs sans aller au bout. Et je pense que ça m'a bloqué, en fait. Donc c'est pour ça que je reverrai Tomorrowland de toute façon. Mm-hmm. Mais pour le moment, voilà. Je pense pas que ce soit un avis définitif que j'ai. D'accord. Mais, ouais. Mais pour le moment, je suis. Je sais pas. J'arrive pas à. J'arrive pas du tout à ressentir ce que vous avez ressenti quoi. D'accord. Je comprends ce que vous avez ressenti, mais moi j'ai pas ressenti ça et j'arrive pas, j'ai pas réussi. Mmh. D'accord. Bon, après c'est pas mon film de Brad Bird préféré, je préfère Mission Impossible 4 qui est pour moi son meilleur film, mais c'est vrai que celui-là m'a étonnamment touché, et c'est que comme je dis c'est tellement un ressenti je trouve de plus en plus rare avec les films américains qui sont. Oui, c'est des sensations agréables. Pas la même démarche. Mm. Ouais, ça fait du bien. Quoi. Ouais. C'est-à-dire, quand en deux semaines d'intervalle, on se tape Mad Max, qui est un pur produit jouissif et tout, mais c'est violent, ça se castagne la gueule. Et quand on voit ça, franchement, c'est. Voilà, le. Un peu ça de fait douceur. Du bien. C'est un film ouais. Sain. Voilà, ah oui. C'est... Oui. Oh. Ouais. Donc, je sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter. Ou si on finit what sur else? Non, bah, moi c'est what else, ouais. Non, moi c'est bon. Après, j'encourage vraiment les gens à aller le voir, ouais, parce qu'il faut pas, ouais, qu'il faut pas qu'ils se cassent la gueule ce allez film malheureusement. Et enfin voilà. Et quoi. D'ailleurs, et c'est d'ailleurs à cause de ça que Disney a annulé 33 qui était en préparation, parce ouais, que ouais. Ce film se casse la gueule, quoi. C'est incroyable. Mm-hmm. Je sais pas comment Disney se débrouille, mais c'est un problème de com. Et c'est après. Problème de com, oui et non, je pense que si les gens veulent pas y aller, ils y vont pas, quoi. Ouais, mais quand tu vois, c'est le problème de Disney aujourd'hui, c'est que c'est du fric, quoi. Ouais. Quand tu vois qu'ils font de la com phénoménale sur Cendrillon, qui est quand même pas le film du siècle, hein, et sur Maléfique, mais c'est parce que c'est des personnages emblématiques, et c'est en fait c'est assez couillu, parce que finalement Tomorrowland est complètement aux antipodes de Disney. Mmh, ouais. Parce que Disney, ouais. Tu vois, s'enferme dans son truc. Nous, on va se faire du fric sur ce qui a fait notre gloire. On va faire plein de remakes et tout. Et Tomorrowland propose un truc hyper original qui pousse à aller vers l'avenir. Ouais. Ce que fait pas du tout Disney, en fait. Et pourtant, ils produisent le film. Le paradoxe est assez beau. Mmh, ça, oui, parfaitement. Ouais. En fait, on a l'impression qu'ils ont peur de dire aux gens allez voir des choses originales. Ouais, ouais, c'est ça. Ils en ont peur. C'est les trucs originales, on les fait, mais on les assume à moitié. Par contre, Cendrillon, vers. Blanche-Neige, à ça par contre les gens ils y vont. C'est allez-y, c'est de la merde mais allez-y. Donc ouais. Ouais, ouais. Mais voilà. Donc moi pour conclure j'ai. Bon par contre je pense qu'honnêtement, enfin, pour conclure, ouais, je pense qu'en termes de rentabilité Disney va bien se rattraper en fin d'année avec Star Wars. De toute façon, je pense qu'ils vont se rattraper. Le jour où on oui. pourra, le jour où on s'inquiétera pour Disney, c'est que le monde ira mal, je pense. Oui, oh bah oui. Ouais. Ou alors ils auront enchaîné les gros bides après gros bides, mais là. Vu le fric qui brasse, ce serait surprenant qu'ils se cassent la gueule, voilà. Quand même. Mmh. Improbable cette souris. Donc voilà, moi pour conclure, j'adorais le film. C'est un de mes films préférés de l'année pour l'instant. Et il sera sûrement dans mon top 10. Voilà. Bah, c'est limite un de tes films préférés tout court, non? Ouais, il est premier de toute façon. Donc pour l'instant, il est premier. Du top. Donc, de l'année? Non, mais je veux dire de manière générale. Film préféré de tous les temps. Non, mais c'est un ouais. de tes favoris, quoi. Quand ouais, on ouais. lit ta critique, ça se ressent plutôt oui, bien. Donc, oui. Franchement, j'ai vraiment adoré. Je suis vraiment impatient de le revoir en VO. Parce que la VF est... Ouais, ça va, encore. C'est pas... ça m'a pas choqué. C'est... Franchement, quand on compare à d'autres films qu'on va parler après... voilà. Donc voilà, allez voir Tomorrowland, c'est un ordre. Si vous n'aimez pas, vous n'aimez pas. Si vous aimez, bah, profitez. Voilà. Vous n'aimez pas la vie, vous n'aimez pas la vie, vous n'aimez pas les gens, vous n'aimez pas... Voilà. Oh, arrête. Oh, c'est méchant, hein. Arrête. Faut pas dire ça. Bon. Non, je plaisante. Allez, on va passer au gros morceau, si je puis dire. Donc, la recommandation pas très recommandable, on va vous parler de Spawn. Ah ben là, pas recommandable du tout même. C'est parti. Là, je vais me cacher. I miss you more than Michael Bay missed the mark when he made Pearl Harbor. I miss you more than that movie missed the point. And that's an awful lot, girl. And now you've gone away. And all I'm trying to say is Pearl Harbor sucked. And I miss you. On est donc à la dernière rubrique de ce podcast, donc c'est la recommandation pas très recommandable. Le mois dernier, déjà on avait souffert avec le dernier des Templiers que Eddy nous avait proposé, donc merci Eddy déjà, puisque tu n'étais pas au là. Au final, je me rends compte que moi je suis quand même super gentil. Hein. Ouais, franchement oui. et donc Morgan nous avait proposé de voir le film qui s'intitule Spawn. Donc je vais quand même rappeler que le réalisateur est Marc Dippé. Grand monsieur. Que la date de sortie est du 10 décembre 97 en France et du 1er août 97 aux États-Unis. Donc voilà, après la distribution, c'est que des inconnus sauf Martin Sheen. Ouais. Donc il y a Michael Jal White qui joue Spawn, ou Al Simmons, John Leguizamo. Qui joue le clown, ou le nom, mon nom préféré, le violator. Leguizamo, il est assez connu, hein, je crois, comme acteur pourtant. Ouais, mais alors là, je sais pas à quoi il s'est rabaissé. Heureusement qu'il a du maquillage parce qu'on le reconnaît pas. Hein. Martin Sheen qui joue Jason Wynn. Et voilà, Teresa Randall qui joue Wanda Blake. voilà. Donc déjà, on va commencer par une petite question à Morgan, qui nous a annoncé le mois dernier qu'il aimait ce film. Et alors là, j'aimerais réitérer la question, puisqu'on l'a vu tous les deux. Est-ce que tu aimes ce film ? Oui. Est-ce que tu le défends vraiment ? Oui. Comme étant... Non, enfin, je veux dire, non, il y a des films qui sont honteux et que je défends. Les Bronzés 3, par exemple, je le défends, vous voyez. Bah, Spawn fait aussi partie de cette catégorie. Non, bah, on va vouloir ma mort, quoi. D'accord. Non, Spawn, si vous voulez, ça fait partie des films que j'ai vus quand j'étais petit. Je l'ai vu, j'avais, je crois, 5 ans. Donc, honnêtement, à 5 ans... Ah bah oui, c'était bon. Que j'appelais Spoon à l'époque, voilà, pour la petite info. Et c'est vrai que, bah, sur le coup, à 5 ans, on n'a pas vraiment un regard critique, on n'a pas de recul sur ce qu'on voit. Donc, quand tu as 5 ans et qu'on te met devant Spawn, logiquement, tu têtes ton biberon et tu regardes le truc, quoi. Donc, bah, si t'as ton biberon à 5 ans, c'est qu'il y a un problème. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ah, non, c'est peut-être les effets de Spawn. Hein. Ouais. Mais voilà, j'étais dans un état second. Non, mais c'est un film que je regarde avec plaisir. Oui, est-ce que le plaisir est coupable ? Mais à 200% que oui. Je reconnais évidemment tous les défauts. Je pense que si j'avais, là, à l'âge que j'ai, donc 22 ans, si je n'avais jamais vu Spawn de ma vie et que je me tape ce film-là à 22 ans, je pense que je me taille à de l'évène, vraiment. Mais en l'ayant vu petit, j'arrive pas à le détester parce qu'il y a des répliques que vous trouvez ridicules, qui le sont, mais qui, moi, quand je les entends aujourd'hui, et surtout dans la vraie VF, alors c'est dommage, vous ne l'avez pas vu dans la vraie moi, VF. Moi, je crois que je l'ai vu en vraie VF. Ah si, moi, je l'ai vu en vraie VF. Ouais, pareil. Ah bon ? Ouais. Bah oui. Mm-hmm. Avec le clown dans la vraie VF est doublé par Roger Carrel. Ouais, c'est ça. Ah ouais ? Ouais. Mais oui. Ah bah, il me faut le lien, parce que je veux l'en voir. Alors. Je vous donnerai le lien. T'inquiète pas. Non, mais... non, c'est un plaisir coupable que j'ai vu. Voilà, c'est... Après, je reconnais objectivement, c'est de la merde, mais vraiment. Ouais. Maintenant, c'est peu de le dire. C'est ma Madeleine de. C'était mon Dark Knight quand j'avais 5 ans, quoi. Oh, mon Dieu. Non, mais. Bon. Mais après, j'ai vu Spider-Man 2 quand j'avais 8 ans, 10 ans. Donc, et ça a rattrapé la chose. Mais je peux pas le détester, ce film. Il a tous les défauts du monde. Je pense que c'est le film qui est objectivement le plus raté de tous les temps. En termes d'adaptation, ça a l'air juste à des. Complètement, mais à des années-lumière de ce que le film aurait dû être. Ouais. Voilà, c'est un film qui a été torché, c'est un film qui a été massacré, qui est mal joué, qui est... mais je peux pas le détester. Parce que plaisir coupable. Ok. Bon, Eddie, je vais peut-être te laisser commencer, puisque ça fait moins de 24 heures que tu l'as vu, donc il doit être encore assez frais dans ta mémoire. Oui, malheureusement, oui. Je sais pas trop quoi en dire, en fait. Hein. Moi, j'ai vraiment... j'ai été sidéré par autant de bêtises et de ringardises, surtout. Dans le titre de la mini-critique que j'ai fait sur Sens Critique, j'ai mis ringardise, mauvais goût et ringardise, ou l'inverse d'ailleurs, ringardise et mauvais goût, un cocktail qui fait mal, mais c'est complètement ça, quoi. C'est vraiment un film devant lequel j'ai souffert du début à la fin, mais au niveau de la rétine surtout, c'est que c'est horrible. Au niveau des oreilles aussi. Visuellement, c'est horrible. Au niveau de audio, c'est horrible aussi. Les acteurs, c'est une catastrophe. Il n'y a rien qui va, quoi. C'est l'histoire, c'est ultra con. Enfin, je comprends. C'est incompréhensible. Je sais pas s'il y a grand chose à comprendre. Ouais, déjà. Je pense que c'est tellement simplet et tellement cliché que du coup, on comprend pas. Non, je vais sortir l'argument et dire tu n'as pas aimé parce que tu n'as pas compris. Voilà. Ouais, non, mais c'est pas ça, mais là, voilà quoi. Le film, j'ai même pas envie d'en reparler parce que c'est lui accorder de l'importance et il le mérite pas, en fait. Mais si. D'accord. Et moi je suis. Enfin voilà, je pense que c'est vraiment. Je me faisais la réflexion, mais je pense que c'est vraiment l'un des pires films que j'ai vu, si ce n'est le pire, quoi. D'accord. Les films de super-héros, c'est vrai que c'est quand même. Oui, je pense que c'est le pire qu'on. Ah non, mais même des films en général. Hein. Moi, j'ai vu des films de merde, mais là, je m'attendais vraiment pas à ça. Hein. Je suis désolé, Morgane. Vraiment filé... Non, mais c'est très bien. Ah oui, t'as respecté le truc à fond, mais là, c'est. Ah ouais, c'était vicieux, quoi. Bon. Je le savais, j'ai pensé à toi en le donnant. Oh j'étais... Moi, c'est pas possible. Hein. C'est ah ouais, décor, c'est maquillage. Mais c'est d'un kitsch. Quand je pense que Jurassic Park sortait sa suite en 97 et qu'on nous montrait des trucs comme ça, mais je me dis, c'est pas possible, quoi. Enfin, la tête brûlée de Terry, elle est énorme. Une vieille pizza, là, sur la gueule. Oui. Bon. Je vais peut-être en parler vite fait parce que je pense que j'étais quand même un des plus touchés par le film parce que je suis un véritable fan du comics, donc c'est justement pour ça que j'ai évité le film. Merci. J'adore les comics, c'est vraiment une super belle histoire entre le bien et le mal et tout ça, et c'est le film ne respecte mais rien du tout, ne respecte aucune page, aucune case du comics, aucune nom, bulle de dialogue, aucune lettre. Si voilà. La couverture Spawn, il respecte le titre. Voilà. Le générique. Le générique d'ouverture, bon. Putain. Alors le générique, il commence avec une musique insupportable qui est juste mais qui donne mal au crâne. Les effets de flammes, même pas dignes de la PlayStation 1. On n'arrive même pas à lire les noms tellement ça bouge dans tous les sens. C'est vraiment... Mais déjà, on a envie de vomir avant de voir le film. C'est qu'il y a quand même un truc. Mais c'est ça, tu te dis comment on peut financer des projets pareils. Et en plus, on l'avait rappelé. Ah mince, maintenant, j'ai pas le... Mais il a coûté super cher, en plus, le film. Donc, il a quand même... il a pas rapporté beaucoup, heureusement. Mais apparemment, c'est ILM qui ont fait les effets voilà. visuels. Hein. Le pire, c'est que c'est ILM qui a... Mais ils ont dû donner ça à un stagiaire qui devait sortir du nez. Troisième, ouais. Voilà, c'est stagiaire de troisième. C'est pas ILM qui a fait ça. Mais si, c'est ILM. Oui, apparemment, ouais, si, c'est ça. Il y a marqué ILM. Mais alors, c'est les décors visuels, alors. Les, non, mais les tout. Trucs, genre, tout, le tout. Le tout. Donc, le clown, on va en parler. Donc, le violator aussi. Par son nom, donc ça c'est juste insupportable. Il m'a vraiment donné envie de vomir. Il est insupportable. Il fait passer les blagues pipi caca de Jar Jar Binks pour de l'humour intelligent. faut quand même y aller, quoi. Je sais que à chaque fois je crache sur Jar Jar Binks, mais il faut que j'y, Ah oui, non, mais là, faut que je crache ma rage parce que là, c'est pas possible. C'est vraiment le personnage hyper cliché, le de gros méchant qui. Non, mais c'est encore pire que ça. Qui bouffe des asticots, enfin des machins, puis qui te sort. Mais ouais, c'est... il te sort tous les trucs. Tu sais, c'est les phrases que tu vois venir à des kilomètres. Il est très méchant, alors il va te sortir que des phrases. Je sais pas moi. Tout ce que le héros va dire, il va le détourner. Ah, tu dis attendez, avec une voix insupportable en plus en français, c'est pas possible. Et c'est Roger Carrel. Et Roger, mais qu'as-tu fait? Les effets spéciaux, on a dépassé un cap dans cette rubrique, je crois. Parce que Lucifer dans le dernier des Templiers, j'avais craché dessus. Mais, Il est magnifique comparé à ce putain de chien qui bouge même pas sa bouche quand il parle. Mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Et lui, c'est censé être le diable. Les armées de l'enfer devant un fond vert dégueulasse, mais qui est. T'avais l'impression de voir un film de troisième, un film d'étudiant, quoi. C'est pas possible. Et encore même. Et puis au niveau de la mise en scène, ça, c'est pas possible, quoi. Justement, on utilise les fonds verts, les machins comme ça, en même temps, on est tout le temps dans des plans rapprochés. Il y a presque pas de plans larges, de machins. On voit les décalcages sur le fond vert, on voit le drap derrière, mais c'est pas possible, quoi. Pour un film professionnel. La bouille numérique des effets spéciaux, c'est insupportable. C'était insupportable. Les transitions entre les trucs. C'est vraiment les pires que j'ai pu voir dans un film. Même celles d'Inspecteur Gadget, elles sont belles par rapport à ça. La transition cap, la transition flamme, la transition. C'est insupportable. L'histoire est incompréhensible. Je sais pas si... Morgane, est-ce que tu peux m'expliquer le plan du méchant? Parce que je suis encore en train de chercher là. Oh, alors là, ça fait. Parce qu'en fait, quand j'ai dit que je l'avais revu, j'ai revu un peu la moitié. Écoute, t'as été capable de nous le refourguer. Alors maintenant, tu nous racontes l'histoire. Hein, parce que... C'est un gentil avec un méchant, et le gentil doit battre le méchant. Voilà. Très franchement. Je pense que c'est ça en plus. Hein. Non, mais oui, non, mais clairement, le film n'est que ça. Attends, dès le début, le ton est donné avec quand il se fait trahir par son boss là. La scène est géniale d'ailleurs, hein, c'est avec un dialogue. Wanda. Ah oui. On se reverra en enfer. C'est pas possible. Mais d'ailleurs, honnêtement, il y a un truc qui me fait plaisir dans ce que vous dites, enfin surtout dans ce que Axel dit, quand il dit que avant il pestait sur Jar Jar Binks, je ne sais plus. Et que maintenant, en ayant vu ce film, il y a le personnage du clown qui est venu et du coup, il le déteste encore plus que Jar Jar. Voilà. Du coup, ça me fait plaisir parce que j'aime bien Jar Jar. Voilà. Voilà. L'histoire est incompréhensible. On passe d'une scène à une autre sans vraiment savoir pourquoi. Et je pense que. Le montage est catastrophique. Le réalisateur est monteur. J'avais revu 40 minutes, honnêtement, c'est horrible. Mais tu comprends que dalle. Les personnages sont d'une stupidité accablante. Même le héros, t'es vraiment pas attaché à aucun personnage. Les acteurs sont déjà mauvais à la base. Ils ne transmettent. Y a que le chien qui est trop mignon, en fait. Ouais. Spaz. Voilà, Spaz. Je me souviens. Les acteurs sont déjà mauvais à de base et ne transmettent aucune émotion. Mais alors, le doublage français, il rajoute en plus la cerise sur le gâteau. Parce que j'ai craché sur celui des deux derniers films, donc Brick Mansion et le dernier des samouraïs, dernier des Templiers. C'était au moins un petit peu professionnel, un tout petit peu. Là, c'est vraiment bâclé et c'est insupportable à écouter. Je pense que d'ailleurs, je vous passerai quelques moments à l'audio là. Je vais couper et je vais vous passer un petit extrait d'un dialogue juste pour vous rendre compte à quel point c'est débile et stupide et insupportable à écouter. Et vous imaginez un film d'1h30, 1h40 parce que malheureusement ça dure 1h30, hein. Voilà, 1h30 en plus. Avec tout ce genre de dialogue. Voilà. Donc là je laisse la place au dialogue. Je te souhaite une bonne retraite et t'as pas à t'en faire. Je vais m'occuper de Wanda, je vais veiller sur elle. Tu la touches, c'est un homme mort. C'est toi l'homme mort. On se revoit en enfer. Wanda! Ah, alors tu t'es fait un ami, Spawn? Va-t'en d'ici, Zack. Je veux vous aider. Non. Voici le clown. Ah! Alors on veut jouer les durs. Je t'ai prévenu. Je vais te donner une leçon. J'ai fini de jouer les clowns. Je ne suis ni le vitrioleur, ni le vitupérateur, ni le vaporisateur, ni le vibrateur. Mais violateur. Violateur 1, le pauvre Spawny 0. Ouh, ouh, ouh. Nya, nya, nya, nya. Ouh. Nya. T'as aimé ça? Te faire violer. Je suis sûr que oui. Au clair de la lune, mon petit ami Spawn. Oh, tu sais que tu sens le fumier si t'engraissais mes fleurs. Est-ce que ça t'excite? Nous réussirons à détruire cette planète avec ou sans toi. Alors soit tu joins à nous, soit nous prenons un peu de bon temps avec ta Wanda. Hé, hey, Wanda, ça te dirait de jouer à saute-mouton, poupée? Oh non! Non, pas ce soir, je t'en prie. Oh, mais à l'aide, mon adoré. Décide. Ou bien t'acceptes, ou bien tu sais ce qui va lui arriver. Ne t'approche pas d'elle. La jolie Wanda va divertir les troupes. Ce serait dommage, non? Et maintenant, vous venez d'écouter le dialogue. Vous vous rendez compte à quel point c'est mauvais. Par exemple, je prends juste un exemple, le gosse, qui, ça je mettrais, j'ai pas mis dans l'exemple, mais dans le moment à l'audio, mais le gosse qui perd son père dans la ville, je sais pas quoi, souterraine. Et alors il dit, ah, mon père il est mort. Mais comme ça, j'exagère même pas, il hein, n'y a aucune émotion, ils ont même pas essayé. Et bon, pour conclure, parce que là c'est plus possible, jamais été aussi content qu'un film s'arrête. C'est le pire film que j'ai vu pour cette rubrique, pour l'instant. Moi, j'ai souffert devant mon écran, des fois. Hein. On a dépassé un cap de l'unité, parce que Brick Mansions et le dernier des Templiers, ça allait encore, mais je préfère revoir 50 fois d'affilée Brick Mansions et le dernier des Templiers que de revoir une fois Spawn. C'est quand même... C'est quand même quelque chose. J'ai détesté ce film, et je vous le déconseille de voir ce truc. Et si malgré tout vous décidez de le regarder, il faudra pas venir chialer que c'était de la merde. Voilà. Ah ouais, vraiment. Et si jamais vous le voyez et que vous aimez, vous allez sur Twitter, @CineMorgan, et vous me dites que j'avais raison. Voilà. Et d'ailleurs, je viens de voir dans la filmographie de l'acteur, donc Michael J. White, qui joue donc Al Simmons. Ou Spawn. Spawn, hein. Il a joué dans The Dark Knight. Donc Christopher Nolan, il a dû se dire, il a Spawn, il s'est dit, I want this guy. C'est énorme. Putain. Il avait Heath Ledger, et il avait lui. Donc, Gumball, un des membres de la pègre de Gotham, ok d'accord. C'est ouais, ça. Bon. Et sera assassiné par Joker, ok d'accord. Ah bah c'est lui qui se reprend, c'est pas lui qui se prend le crayon dans l'œil. Le crayon peut-être. Ouais. Ah c'est, mais oui. Ouais, c'est lui. C'est lui. Ah bah il a mérité ça hein, pour ce film. C'est une vengeance. Voilà. Merci Nolan, voilà. Mm-hmm. Remerciez-le. Voilà. Donc, et il joue dans la série Arrow aussi. Ah, très bonne série que j'ai commencé d'ailleurs et que je vous conseille. Pour parler bon maintenant enfin je sais pas si vous avez quelque chose pour conclure ce film ou si on va passer directement à non moi j'ai plus envie d'en parler hein. Ok. Désolé. Alors je peux vous annoncer que ça va être quand même un peu moins pire que Spawn déjà. Oh, que tu dis un peu moins pire. Donc on a beaucoup parlé de on a parlé que de films américains pour l'instant, je m'en rends compte, et moi j'ai envie de parler un peu de terroir. Un peu patrimoine. un peu patrimoine, un peu terroir. Et je pense que tout le monde aime le jeu vidéo. À peu près ici. On aime tout, on a tous un peu joué au jeu vidéo. Si, j'aime bien, mais non. Je crois savoir le film. J'ai plus le nom en tête, mais je vois un film avec des jeux vidéo. Il y a Ariel Dombal et tout dedans, je crois. Voilà. Alors... un film sur jeux vidéo avec Ariel Dombal. Donc on retrouve aussi Saïd Tegmaoui qui a après son rôle dans La Haine qui était magnifique joue dans ce film. On retrouve aussi Bruno Salomon dans un super rôle de gangster, Gérard Vives dans un rôle d'un acteur américain slash anglais qui fait un accent une fois sur deux. Et donc, je vais pas traîner plus longtemps pour vous annoncer le titre du film. Donc, c'est Gamer, un film sorti en 2001, réalisé par Patrick Lévy, qui, pour l'occasion, se fait appeler Zach Fishman, parce qu'un titre, un nom anglais, ça pète toujours plus. C'est sorti en 2000, le 21 mars 2001. Il cumule 2,4 sur Sens Critique. Voilà, il a des séquences 3D sublimes. Voilà, je vous conseille énormément ce film que vous aurez à voir pour le prochain podcast. Voilà. J'espère que vous êtes contents. Est-ce que vous l'avez déjà vu? Alors, je connaissais pas du tout et je suis en train de voir le synopsis. Bah, why not? Et le casting, ça va. Alors. Catherine Benguigui, Ariel Dombal, Julien Courbet, Alexis Lauré, ouais, j'aime bien. Ouais, ça va. Julien Pourquoi Courbet. Pas voilà, Julien non, Courbet alors, aussi. Julien Courbet, celui qui joue dans Le ciel, les oiseaux et ta mère. Non, il joue pas là-dedans, lui. Attends, Julien Courbet jouait dans quoi, lui? Ah, si, il joue dans Le ciel, les oiseaux et ta mère. Ah, bah oui, c'est lui. Il joue dans. Ouais, c'est un. Ouais, ça va. Voilà. Donc des blagues racistes, enfin des blagues sur les gens qui aiment les jeux vidéo. Ils citent des noms de références pop culture comme ça au hasard, genre Tomb Raider ou Brad Pitt ou des trucs comme ça au hasard. Voilà. Donc je vous laisserai apprécier ce film. Franchement, moi j'ai passé un super moment devant. J'ai quand même passé un meilleur moment que dans Spawn, hein, je vais pas vous le cacher. Mais après avoir vu Spawn, il me fallait quelque chose d'un peu moins pire. Donc voilà. En plus, je l'ai vu cet après-midi, donc ça va, bah, c'est pas... Quelle horreur. Pourquoi tu l'as vu? Mais parce que je voulais le voir avant de vous le conseiller. Il voulait être sûr qu'on... C'est-à-dire que, avant de le conseiller, tu t'es dit... Enfin, tu l'avais pas vu avant de nous le... Non, j'avais vu des extraits, j'avais eu pas mal d'extraits, j'avais jamais regardé en entier. J'avais regardé la bonne moitié une fois et j'avais arrêté. Et là, j'ai quand même souffert pour le revoir. Hein. Donc voilà. T'as vu tout le film. Il dure combien de temps? 1h32. Voilà. Oh, ça va. Donc voilà. Et Quentin, tu ne passes pas aux oubliettes hein, parce que tu le regarderas aussi. Ouais, est-ce qu'il a pas vu Spawn? Il a pas vu Spawn. Ah, il a pas vu. Voilà. Donc voilà. Et chers auditeurs, ben, ne le regardez pas. Juste un petit conseil comme ça. voilà, si vous avez rien à rajouter, on va passer à la fin du podcast. On est à la fin de ce podcast magnifique, c'était gratuit. Ça. Voilà, magnifique, sublime, tous les adjectifs qualificatifs que vous lui trouvez. Donc voilà, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Bah, si vous avez regardé Spawn, merci et dites-nous ce que vous en avez pensé aussi, parce qu'on est bien curieux de savoir. Et si vous avez regardé Gamer aussi, hein, tant qu'à faire. Voilà, on va vite revenir sur toutes les adresses où vous pouvez nous retrouver, et puis après on va vous dire au revoir. Donc on va commencer par, vous pouvez tous nous retrouver moi-même et Eddie sur le site moviesnerd.net. Ouais. Ensuite, vous pouvez retrouver Morgane, bah vas-y je t'en prie, tu peux dire toutes tes adresses. Bah sur Twitter, donc @cinemorgane. Ton blog. Oui, voilà. Alors, fort à mon blog. Est-ce que j'ai encore un blog? Parce que il est. Mais en ce moment, j'ai pas le temps d'écrire du tout. Donc, allez, mon blog, si vous voulez voir des anciennes critiques, donc ciné-maniac.overblog.com. Et aussi sur Podcaster. Vous verrez des critiques un peu plus souvent. Ouais, c'est des micro-critiques. Ça va, c'est plus rapide. Mais c'est vrai que les critiques, les longs pavés, bah, j'ai pas vraiment le temps. J'ai le temps de voir des films, mais j'ai pas le temps d'écrire dessus. D'accord. Alors que sur Twitter, je parle des films que je vois. Voilà. Donc, allez sur Twitter, followez-moi. De toute façon, vous avez tous les liens dans la description du podcast. Donc, Eddie, vas-y, je t'en prie. Bah, Movies Nerd, Sens Critique, puis c'est tout. Mais sur Twitter, ouais. Donc c'est Eastark partout. Donc, je voulais juste rappeler parce que j'y ai pensé un jour, mais Eastark, c'est E. Stark en français, si vous voulez, parce qu'on le prononce à l'anglaise et peut-être que oui. Voilà, un des derniers Stark est vivant, donc followez-le. Je me sens bien seul à Winterfell. Voilà. Puisque c'est alors tant qu'on est dans l'explication des pseudos, c'est pas une référence à Tony Stark, même si j'aime beaucoup Tony Stark, mais c'est une référence à Game of Thrones. Voilà. Bah, tenez d'ailleurs, si on faisait 5 minutes pour expliquer les pseudos, Axel, pourquoi Bisner? Bah, Movies Nerd. C'est parce que ça me. Alors, je t'explique comment j'ai trouvé le titre. J'étais en train de chercher, franchement. Je cherchais vraiment beaucoup. Et puis d'un coup, bah, je me suis dit, tiens, si j'associe ces deux mots, ça va bien il ensemble. Il a eu une illumination, tu sais, avec ouais, non, mais vraiment... la lumière blanche qui vient de derrière et alléluia. Voilà, c'est à peu près ça. Et mon pseudo, si tu veux ça. Donc déjà, vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Sens Critique à TheLexal, donc T-H-E-L-E-X-A-L. Et donc TheLexal, c'est mon prénom à l'envers avec un L en plus et The devant. Voilà. si tu voulais vraiment des explications. Et toi, voilà. Morgane, Cinémaniac, pourquoi Bah, Cinémaniac, alors surtout quand on voit mon image, enfin ma image Twitter, donc on voit les petites entre guillemets parenthèses. Hein, voilà. Pas des parenthèses. Donc, Nymphomaniac, Cinémaniac, je suis autant addict au cinéma que Charlotte Gainsbourg est addict au sexe dans le film de Lars von Trier. Voilà. Voilà, c'est tout simple. C'est la petite référence. Donc, après toutes ces explications, bienvenue. On va vous donner rendez-vous le mois prochain pour un prochain podcast. Pour parler de Non. Bon. avant, j'ai juste oublié un petit truc. Faut aller noter le podcast sur iTunes. Abonnez-vous. Allez voir aussi sur SoundCloud et PodCloud parce qu'ils sont aussi. Et abonnez-vous. Et écrivez-nous les commentaires ce que vous avez pensé du podcast. Ce que vous avez pensé des films dont on a parlé, ce que vous voulez voir pour le prochain mois, voilà. Donc aussi, avant d'annoncer le prochain podcast, il y aura 3 podcasts ce mois-ci. Donc là, c'est le premier qui sort ce mois-ci. Donc il va sortir sûrement le 3 ou le 4. Ensuite, pour le suivant, c'est un spécial. On vous dit pas sur quoi c'est, même si Eddie l'a un peu spoilé avant. Vous avez peut-être pas capté. Donc, si vous voulez savoir de quoi on parlait, on a une petite preview sur le Facebook Movies Nerd. Donc, oui. Allez là-dessus. J'ai mis une petite image. Voilà. Donc là, c'est vraiment, si vous ne comprenez toujours pas de quoi on parle, c'est que... Bah, disons que le titre est marqué sur l'image, donc si... Voilà. Voilà. Donc ça vous invitera à aller liker sur Facebook, aller liker sur Twitter aussi, @movies_nerd. Et puis je crois que c'est tout. Et puis après, on aura aussi un Parlons Cinéma dans le mois. Et le mois prochain, on va parler d'un gros film, hein, que Eddie attend un petit peu. Un tout petit peu. Voilà. Un chouïa. Et on va dire qu'on l'attend aussi pas mal. Voilà, donc si plus personne n'a rien à rajouter, on va vous dire au revoir. On vous dit au prochain podcast, quel que soit celui que vous écoutez. Et puis, bonne soirée, bonne nuit et bonne journée. Voilà, salut. Salut. Salut.